LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Non merci, pas d'enfant. Manon Prigent, Anne Fleury. Aujourd'hui, vieillir sans enfant, faire famille autrement. Est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si vous aviez eu des enfants ? Alors, oui, c'est un bel exercice d'imagination. J'aurais été moins libre et j'aurais été torturée. Moi, je vois les copains, là, quand les gamins, ils s'envolent. Il y a des petits crocs de mou, comme, petits trous de mou quand même. Hein. Ils se retrouvent là, comme de ronds de flanc, avec une grande maison, trois chambres vides. Les gamins qui reviennent une fois tous les 6 mois, voilà. Et je pense que j'aurais été torturée, ouais, entre ce truc-là, d'être une bonne mère... accompagner mais sans empêcher, trouver cet équilibre là et puis à quel moment tu lâches quoi. Mais après je suis consciente qu'il y aurait eu des complicités, des liens, je vois aussi ce qui se joue auprès de mes amis, mais en même temps ça ne me manque pas, ça ne me fait pas défaut parce que je pense que je l'ai trouvé par ailleurs sous une autre forme. J'ai eu d'autres lieux de joie, de plaisir, de connivence, de complicité, avec des enfants qui n'étaient pas les miens. Et ça me va très bien. En 1804, le Code civil inscrit l'obligation pour les enfants de prendre en charge leurs parents vieillissants. Les institutions d'accueil, comme les hospices, ne sont pensés que comme un palliatif à la prise en charge des personnes âgées par leur famille. Les personnes sans enfants sont donc assimilées aux indigents, ceux que l'on plaint, ceux que l'institution est contrainte d'accueillir, faute de solutions alternatives. Voilà peut-être pourquoi celles et ceux qui ne veulent pas faire d'enfants s'entendent si souvent dire « Mais qui s'occupera de tes vieux jours ?» Alors comment organise-t-on sa vie lorsqu'on a décidé de ne pas se reproduire ? Curieusement, les gens s'intéressent plus à nous parce qu'ils reviennent un peu de leur voyage interstellaire avec la famille et ils commencent un peu à se poser les questions que nous, on s'était posées à 12 ans. Ils en viennent à la conclusion que finalement, peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre hein, et qu'on peut très bien se passer d'enfant. Et souvent, on entend des gens nous dire « oui, vous avez eu raison ». Mais bon, la réflexion de se faire traiter d'égoïste a été courante. Hein. Et chez les personnes, effectivement, les gens, pas de la famille, ils nous regardent un peu bizarrement en se disant « c'est un peu curieux de ne pas vouloir créer de famille et tout ». Mais bon, nous, on considère que la famille, c'est 2, quoi, c'est pas 50. Hein. On s'est connus quand on avait 16 ans, donc là maintenant, on en a 63, donc ça fait... un certain nombre d'années, on s'est mis ensemble, effectivement on avait 19 ans, mais on s'est connus à 16 ans, hein. Donc ça fait 44 ans quoi qu'on est ensemble, hein, ce qui fait un certain nombre d'années. Et c'est vrai que la chose curieuse, c'est que jamais on a voulu d'enfant, quoi. Dès le départ, ça nous tentait pas, on en a discuté, effectivement, arrivé à l'âge stratégique pour moi, vers les 35 ans, si vraiment il fallait faire ou pas faire. Puis vraiment, comme ça nous disait pas, on était parfaitement bien ensemble. On n'a pas eu besoin, quoi, ni affectivement, ni aux yeux de la société, et ni au niveau de l'épanouissement au niveau du travail, quoi. Moi, je suis pianiste, et donc j'ai travaillé 8 heures par jour pendant des années pour arriver à avoir un bon niveau pianistique, finalement. Et donc, je savais très bien qu'en donnant des cours de piano la moitié du temps et en ayant un enfant, j'aurais pas pu continuer à travailler pour moi, faire du piano, avoir du temps pour moi. Donc, ça, c'est peut-être la partie égoïste de la chose, effectivement, parce que je voulais avoir du temps pour moi, du temps pour mon mari et du temps aussi pour les vacances, voyager. On a beaucoup voyagé. Au meilleur âge, quoi, à partir de 25 ans, on partait 3-4 mois en vacances comme on était prof. Donc, c'était la liberté, hein, Pour nous, effectivement, pas avoir d'enfant, c'est synonyme de liberté totale et affective. Parce que même maintenant, on voit les gens qui ont notre âge, ils sont jamais libres affectivement. Ils sont toujours à penser aux enfants et aux petits-enfants même d'ailleurs. Ils sont jamais libres de profiter finalement en couple de leur liberté. Ils ont toujours des entraves psychologiques qui fait qu'ils ont toujours quelque chose en tête autre que leur vie à eux finalement. Voilà. Oui, moi, alors je m'appelle Randolph Dante, son heureux mari. Je crois que Sophie est rentrée dans le cœur du problème, parce que le couple, c'est d'abord toi et moi, et avec passion, et on avait tout à perdre et peu à gagner, ou enfin, c'était un peu l'inconnu. Bon, et tu me connais, j'aime bien les jeux dans lesquels il n'y a pas trop de facteurs chance. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment faire rouler le dé, alors qu'on n'en a absolument pas besoin. On était tous les deux comme une entité complémentaire. On s'est trouvés d'une façon assez extraordinaire. On aimait les mêmes choses. Pourquoi entrer dans l'inconnu ? Voilà. Donc, je suis une femme, j'ai bientôt 61 ans dans quelques semaines. Catherine. Je crois qu'il y a forcément plusieurs composantes dans un choix, comment les choses se forgent. Effectivement, le fait d'avoir été une enfant unique et d'avoir vécu... Alors, voilà, moi, quand j'ai eu accès à mon acte de naissance, il y avait écrit dessus « né de père inconnu ». C'était pas hyper léger, comme c'était un peu une casserole, quand même. Après, très vite, je crois que j'ai perçu intuitivement, sans être dans une analyse sociale, etc., j'ai très vite perçu ce que ça représentait. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de mettre sa vie entre parenthèses pendant des semaines, des mois, des années, voilà. Surtout que ma mère me répétait que quand on avait un enfant, les emmerdes, c'était pour la vie, quoi. Donc ça, je l'ai bien intégré, j'ai été bien aidée d'ailleurs. Après, moi, je me suis de façon sensitive, je me suis jamais trop esbaudie devant un nouveau-né. Enfin, voilà, j'ai jamais senti de fibres, etc. Et puis, plus je grandissais, plus effectivement, je voyais cette pression sociale qui, moi, me mettait presque en colère, quoi. Enfin, en tout cas, me rebutait. Quand, à l'adolescence, j'ai découvert que j'avais une orientation sexuelle pas tout à fait dans les normes et que, j'étais plus sensible aux femmes qu'aux hommes. Ça, c'était aussi un élément qui faisait que, par définition, a priori, j'aurais pas d'enfant, mais j'en voulais déjà pas. Donc, il y a eu comme ça cette convergence de se dire que c'était peut-être pas une priorité dans ma vie. Qu'on verrait. Alors, ça m'est arrivé assez jeune, entre 20 et 25 ans, j'ai eu une relation avec un homme qui était plutôt paisible et dans un endroit que j'aimais en montagne. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas se poser là. Vraiment, la petite maison dans la forêt, quoi. Le truc, on aurait eu des chèvres, des enfants, ils auraient couru dans l'herbe, mon compagnon aurait été merveilleux, tout ça. Bon. Le scénario est parti complètement live d'un seul coup, tu vois, et je claque, il y a eu un clap de fin, et comme un retour à la réalité, quoi. Comme si, en fait, ce passage très fugace, quand même, on peut le dire, de désir d'enfant, en tout cas, l'idée que ce soit possible, ça n'a pas tenu, quoi. Genre, un coup de vent, c'était fini, quoi. Quelque part, mon orientation, plus spécifiquement lesbienne, homosexuelle, m'a confortée dans l'idée que j'aurais pas d'enfant et que c'était pas si grave que ça. Ouais, c'est un puzzle avec plein de pièces et où est la poule et l'œuf, ça, j'en sais rien. J'aurais pu dire, puisqu'il faut rentrer dans le moule, il y en a beaucoup qui l'ont fait et je connais aussi beaucoup de femmes qui se sont autorisées à vivre soit leur homosexualité, soit autre chose, à partir du moment où leurs enfants étaient élevés. Et moi, j'ai réussi à me dire que, non, ce qui me correspondait, c'était de vivre des choses sans forcément avoir ce statut de mère. Voilà. Mais oui, le regard des autres, tu le traînes de toute façon toute ta vie sur cette question-là. Parce que quand même, pour beaucoup d'hommes, c'est, ou même certaines femmes, c'est qu'on n'a pas rencontré le mec qu'il fallait, quoi, et qu'on est mal baisé, et que... Voilà, c'est par défaut, quoi. C'est pas par choix, c'est par défaut. Qu'est-ce qu'il y a de plus libre en vous, Sophie Calle ? Que j'ai pas d'enfant. France Inter, émission Boomerang, 17 mars 2022. C'est pas évident de pas avoir d'enfant, parce que tous les autres vous harcèlent, ça emmerde les gens qu'on ait cette liberté, en général. Ils veulent tous qu'on soit aussi coincés qu'eux, quoi. Donc c'est quand même un harcèlement. L'intérêt de vieillir, c'est que à l'âge de 40 ans, on cesse de vous poser la question et que tout d'un coup... Voilà, le projet est résolu. On vous fout la paix et au pire, on vous plaint. C'était une brave créature qui avait une sorte d'âme à ressort, partant par bond dans l'enthousiasme. Elle manquait d'équilibre, comme toutes les femmes restées filles à 50 ans. Elle semblait confite dans une innocence surie, mais elle avait gardé au cœur quelque chose de très jeune, d'enflammé. Elle aimait la nature et les bêtes. De l'amour exalté, fermenté comme une boisson trop vieille, de l'amour sensuel qu'elle n'avait point donné aux hommes. Il est certain que la vue d'une chienne allaitant, d'une jument courant dans un pré avec son poulain dans les jambes, d'un nid d'oiseaux plein de petits, piaillants, le bec ouvert, la tête énorme, le corps tout nu, la faisait palpiter d'une émotion exagérée. Guy de Maupassant, Miss Harriet, 1883. Alors, il y a quatre grandes figures qui se détachent dans les traitements littéraires de ces femmes qui se sont refusées à la maternité. Lucie Nizar, agrégée de lettres modernes. Le premier, c'est la figure de la bonne vieille tante qui prépare des gâteaux et qui est une sorte de mère de substitution pour des enfants dont elle s'occupe régulièrement. Le deuxième, beaucoup plus inquiétant, c'est celui de l'ogresse, dévoratrice de chair fraîche, qui va s'attaquer sexuellement aux enfants des autres pour les corrompre. Le troisième, c'est une figure de vieille fille à chat, avec ses manies, souvent très ridicule. Elle peut rejoindre la bonne vieille tante, mais son ridicule... très caricaturé, peut parfois devenir menaçant. Et on passe souvent du rire à l'angoisse. Et puis le dernier, plus rare, c'est celui de l'artiste stérile qui a choisi les livres plutôt que les enfants, selon le vieil adage latin qui est repris par Nietzsche à cette époque-là, aut liberi, aut libri, ou bien les enfants, ou bien les livres. Et elle, elle a consacré sa force créative, non pas à son utérus, mais à sa plume. Et ça aussi, bien sûr, ça dérange. J'étais plutôt mal barrée. Hein. Quand j'ai connu Randy, j'étais plutôt dépressive. Justement, j'étais très mal avec mon premier petit copain. Je me rappelle quand je faisais mes 8 heures de piano déjà toute seule, là, entre 17, 18, 19 ans, je me suis dit de toute façon je vais finir vieille fille parce que je sortais pas, parce que personne aimait le piano. Et donc je me suis dit comment je vais faire, quoi. Je veux pas rester avec quelqu'un là, faire 8 heures par jour et avec quelqu'un qui supporte pas la musique. Et puis, au moment où j'ai rencontré Sophie, je ne faisais pas de piano. Enfin, j'en faisais mais en dilettante. Et je ne me voyais pas du tout en faire de façon professionnelle en tant que professeur de piano. Et par contre, lorsque on a parlé ensemble, quelque chose finalement s'est réveillé en moi. Et je me suis dit, enfin, quelqu'un finalement qui ne voit pas le piano comme quelque chose, comme une activité annexe ou comme un jeu. Et voilà, j'ai mis les bouchées doubles. Le truc du travail, en fait, c'est-à-dire que Randy, lui, il avait du mal à trouver du travail, et en plus, c'était des trucs commerciaux, et il n'était pas du tout commercial, il n'était pas fait du tout pour ça, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, il a commencé quand même à bosser comme ça, mais alors moi, j'étais déjà prof de piano, donc j'avais déjà les vacances scolaires, j'avais quand même beaucoup de temps libre. Je lui ai dit, essaye. Je lui ai dit, même en ayant la moitié des élèves que moi, tu gagneras déjà autant que ce que tu gagnes en faisant 10 heures par jour avant tes bouteilles. Donc, mets-toi au solfège. Il jouait, mais bon, il avait besoin de formation. Et ça a marché, quoi. Donc, on pouvait être tout le temps ensemble, dès qu'on n'avait plus de cours. C'était le but. Et puis ce qui était très motivant, c'était la vie qu'on allait avoir si je réussissais à faire ça. Voilà. Dans Fécondité de Zola, alors Fécondité c'est à la fin du siècle, ça paraît en 1899, on a à cette époque-là des moyens de contraception assez efficaces, il y a aussi une pratique de l'avortement qui se répand. Et donc, il y a, dans Fécondité de Zola, différents couples qui se posent la question de ne pas avoir d'enfants, mais généralement, ils le payent cher. C'est un roman qui date d'après les Rougon-Macquart, dans un autre cycle qui s'appelle Les Évangiles, où Zola veut proposer des évangiles laïques. Et la fécondité a une valeur extrêmement importante pour Zola à cette époque-là, d'autant qu'il est un jeune père. Il a eu avec une jeune femme qui n'est pas sa femme, qui est sa maîtresse, Jeanne Rosereau, deux enfants, Jacques et Denise. Et il y a une exaltation de la paternité dans ce livre qui a probablement une dimension autobiographique. En tout cas, il y a une opposition très très forte entre une figure de mère qui est Marianne, qui est qualifiée de bonne déesse féconde et qui a plus d'une dizaine d'enfants avec son mari, avec qui elle vit un amour idyllique. Et puis de l'autre côté, il y a Séraphine, qui a un prénom antithétique puisqu'elle est tout sauf un ange, qui est, nous dit le texte, une grande fille détraquée et mauvaise, et qui, elle, avorte à deux reprises. Son mari disparaît dans des conditions troubles, et elle finit par se faire une hystérectomie par le docteur Gaude, et elle va le payer extrêmement cher, puisque comme toutes les femmes opérées par le docteur Gaude, elle va avoir un vieillissement prématuré, elle va devenir une loque, un squelette décharné, elle va perdre ses dents, ses cheveux, tout ce qui fait sa séduction, et elle va finir enfermée dans un asile avec une camisole de force, en tenant des propos obscènes, après avoir tenté de tuer le docteur Gaude et l'avoir émasculée. À l'époque, il fallait vraiment oser. Hein. Même vis-à-vis, on parlait de nos parents. Même mes parents n'étaient pas très contents de nous. Hein. C'était quand ? 88, on s'est mariés, donc ça devait être dans les années 90, hein, par là. Hein. Oui, en fait, ils attendaient quelque chose visiblement de nous. Sophie et Randolph. Chose qui n'est jamais venue. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, à l'époque, on avait 30-35 ans, on parlait avec mes copines, me disaient, bah oui, mais si tu réfléchis, tu feras jamais. Je dis, bah oui, moi je réfléchis, quoi, je veux pas... Je dis, ah, toi, t'as fait des gosses sans réfléchir. Elle dit, bah oui, je tombe enceinte. Je dis, bah moi, je tombe pas enceinte, je prends la pilule, enfin... Mais on a testé la chose, hein. Non, on a testé avec mon petit-neveu, finalement, qui maintenant, il a 16 ans. Ma sœur nous l'expédiait pendant un mois, à partir de 5 ans et demi, quoi. Hein. Et donc, là, et tous les ans. Donc, on a vu, on restait un mois avec le gosse au milieu, qu'on adore. Hein. Il est super, ce môme. Même là encore, cet après-midi, on était avec lui, on l'adore, vraiment, on peut pas dire. Mais on a vu, on pouvait pas en placer une à table, quoi. Je veux dire, on posait des questions, c'est normal, quoi. Un gosse, il parlait de ses trucs, de ballons, de machins, de cartes. Et au bout d'un mois, moi j'étais triste qu'il parte, quoi. Vraiment, si j'avais voulu avoir un gosse, ça aurait été celui-là, quoi. Mais d'un autre côté, on sentait qu'on s'était éloigné, hein. Très nettement, on se disait, bon, heureusement qu'il part, quoi, parce qu'on sent un peu d'éloignement par rapport à quand on est tous les deux. On se parlait moins, on se regardait moins, il y avait moins de gestes tendres, et puis on avait moins de temps pour le couple. C'est ridicule à dire. On nageait plus tous les deux. Il fallait le surveiller pour pas qu'il se noie à moitié. Ou... Mmh. Enfin, c'est normal, hein, je veux dire, mais il y a une tierce personne qui est au milieu. Alors, ça transforme le couple, ça transforme l'amour, mais il faut aussi parler de sexe aussi, et là, évidemment, on ne peut pas vivre plusieurs vies, mais je pense que forcément, ça doit aussi transformer les relations de séduction, les relations sexuelles, évidemment, aussi. Il doit y avoir une autre façon de voir, d'appréhender l'autre, par rapport à, surtout, la maternité, qui est quand même quelque chose de très, très lourd, et surtout, ça change la femme. Alors que toi, tu es restée exactement la même personne que j'ai connue à 15 ans. Dans les auteurs du 19e siècle, on pense beaucoup à Flaubert, qui n'a pas voulu avoir d'enfants. Dans sa correspondance, est-ce qu'il en parle de ce choix et qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? Flaubert, effectivement, a refusé le statut de père et il l'a vraiment exprimé comme tel. Il en parle notamment à sa maîtresse Louise Collet dans une lettre restée célèbre du 11 décembre 1852 où il vient d'apprendre qu'elle a enfin eu ses règles et il avait vécu dans une grande angoisse en les attendant. Je vous lis la lettre. Samedi, 1h, 11 décembre 1852. Je commence par te dévorer de baisers dans la joie qui me transporte. Ta lettre de ce matin m'a enlevé de dessus le cœur un terrible poids. Il était temps. Hier, je n'ai pu travailler de toute la journée. À chaque mouvement que je faisais, ceci est textuel, la cervelle me sautait dans le crâne et j'ai été obligée de me coucher à 11h. J'avais la fièvre et un accablement général. Voici 3 semaines que je souffrais horriblement d'appréhension. Je ne dépensais pas à toi d'une minute, mais d'une façon peu agréable. Ah oui, cette idée me torturait. J'en ai eu des chandelles devant les yeux 2 ou 3 fois, jeudi entre autres. Il faudrait tout un livre pour développer d'une manière compréhensible mon sentiment à cet égard. L'idée de donner le jour à quelqu'un me fait horreur. Je me maudirais si j'étais père. Un fils de moi ? Non. Que toute ma chair périsse et que je ne transmette à personne l'embêtement et les ignominies de l'existence. J'avais aussi une idée superstitieuse. C'est demain que j'ai 31 ans. Je viens donc de passer cette fatale année de la trentaine qui classe un homme. C'est l'âge où l'on se dessine pour l'avenir, où l'on se range, on se marie, on prend un métier. À 30 ans, il y a peu de gens qui ne deviennent bourgeois. Or, cette paternité me faisait rentrer dans les conditions ordinaires de la vie. Ma virginité par rapport au monde se trouvait anéantie et cela m'enfonçait dans le gouffre des misères communes. Restons donc dans notre sentier à part, à nous, pour nous. Moins les sentiments tournent au monde et moins ils ont quelque chose de sa fragilité. Le temps ne fera rien sur mon amour parce que ce n'est pas un amour comme un amour doit être. Et je vais même te dire un mot qui va te sembler étrange. Il ne me semble pas que tu sois ma maîtresse. Jamais cette appellation banale ne me vient dans la tête quand je pense à toi. Tu te trouves en moi à une place spéciale qui n'a été occupée par personne. Toi absente, elle resterait vide. Et pourtant, ma chair aime la tienne. Et quand je me regarde nue, il me semble même que chaque pore de ma peau bâille après la tienne. Et avec quelle délice je t'embrasse. Je ne suis pas en train de causer littérature. Je ne fais que me remettre de ma longue inquiétude et mon cœur se dilate. Je respire. Il fait beau. Le soleil brille sur la rivière. Un brick passe maintenant toute voile déployée. Ma fenêtre est ouverte et mon feu brûle. Adieu. Je t'aime plus que jamais et je t'embrasse à t'étouffer pour mon anniversaire. Alors, je suis Nicole Giroux, artiste plasticienne. Je suis céramiste. Est-ce que vous serez d'accord pour me dire votre âge ? Oh oui, il n'y a pas de problème. Alors moi, c'est deux sept qui s'associent, 77. Et moi, 86. On a 9 ans de différence, mais finalement, ça n'a pas été un problème pour pouvoir se connaître et vivre ensemble, en fait. Christian et Nicole. On s'est rencontrés, en fait, en 1968. Donc c'était une année un peu... Elle a été mon professeur de tournage. Alors donc Nicole m'a appris à tourner, mais alors d'une manière tellement rigoureuse. Ah, ouh là là ! Bon, ben ça m'a pas fait peur, puisque finalement c'est comme ça qu'on a sympathisé, qu'on s'est connus en fait, et qu'on a partagé notre passion pour des matériaux qu'on aimait en commun, quoi. Et spécialement la terre et toutes ses lois, sa plasticité. Et il n'y avait pas de séparation entre un métier et une vie intérieure. En fait, c'est ça qui m'a toujours fasciné chez Nicole. Et je pense que c'est ça qui nous a réunis profondément, parce que c'est toujours ce qui est le plus important pour nous, plus que de se reproduire. Se reproduire pour, finalement, pour lutter contre quoi ? Pour lutter contre l'oubli, avec l'illusion qu'on se prolonge en se reproduisant. C'est-à-dire que, c'est une espèce de garantie de survie, un truc comme ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ce genre de truc-là, puisque la vie intérieure, elle est vachement plus intéressante, plus riche. Peut-être pas plus intéressante, mais en tout cas, c'est une autre voie qui est peut-être pas aussi extraordinaire, parce que les petits-enfants qui sont fabriqués par les couples, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est des chefs-d'œuvre auxquels on n'arrivera jamais, nous, par nos petits moyens de créateurs de peinture, sculpture ou autre, ou écrivain, on n'arriverait jamais à faire l'équivalent. Mais en fait, on n'a pas eu envie. On n'a pas envie d'imiter ces voies-là. C'était difficile. Je préférais continuer à faire du dessin. Avoir des enfants, ça m'aurait écarté de ma voie. Voilà. On était chacun avec des contraintes. À la limite, c'était un grand luxe d'envisager de faire des enfants. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la relation entre Flaubert et Louise Collet, donc cet amour pur qui les lie, son refus de paternité, comment ça se poursuit ensuite? Alors Flaubert ne devient jamais père. En revanche, il a une forme de paternité lui aussi, le fait qu'il va prendre en charge sa nièce Caroline, qui est la fille de sa sœur Caroline, qui est morte en couche. Et il va développer avec elle une relation de grande proximité. Il va lui donner des conseils de lecture, il va faire son éducation s'en occuper vraiment avec sa propre mère à lui. Ils vont fonder une sorte de famille un petit peu hors norme, tous les trois. Lettre à Caroline. Paris, 24 avril 1857, vendredi. Ma chère Liline, je te remercie bien de m'avoir écrit une si gentille lettre. L'orthographe est meilleure que dans celle que tu m'as envoyée au précédent voyage, et le style est également bon. À force de t'asseoir dans mon fauteuil, de poser les coudes sur ma table et de te prendre la tête dans les deux mains, tu finiras peut-être par devenir un écrivain. J'ai été hier à l'exposition des tableaux, et j'ai beaucoup pensé à toi, pauvre chérie. Il y a beaucoup de sujets de tableaux que tu aurais reconnus grâce à ton érudition, et quelques portraits de grands hommes que tu connais aussi. Adieu, mon pauvre loulou. Embrasse bien ta grand-mère pour moi. Ton oncle qui t'aime, Gustave Flaubert. J'ai fait une belle galipette avec ce filleul. Alors, je dis toujours laïque parce que souvent c'est connoté catho, machin. Catherine. Et en fait, c'était une collègue de ma compagne qui avait son premier enfant. Alors, je ne suis pas une bonne fée, je suis juste une marraine. Effectivement, tu n'as pas d'enfant, donc ce que tu as quelque part pas accumulé, bon voilà, moi j'ai un confort matériel, j'ai ma maison, elle est à moi, elle est payée, j'ai eu la chance d'hériter d'une voisine qui avait fait un peu office de mamie, tout ça. J'ai eu du pot, quoi, faut être très clair. Voilà. Il y a la transmission matérielle, il y a la transmission aussi intellectuelle. Il a bifurqué, enfin, c'était une question qu'il y avait, mais il est sorti du système scolaire pour partir en apprentissage avec les compagnons du devoir, ébéniste. Moi, je bricole, je tourne le bois, et assez petit, il me dit « Tu m'apprends à tourner ?» Quand il m'a dit ça... Je leur ai embrassé des pieds à la tête, quoi, parce que... Mais oui, on partage des choses comme ça. Et cette grand-mère par procuration, qui c'était ? Ça, c'est une voisine. Elle n'a pas eu d'enfant elle-même. D'accord ? Alors elle ne pouvait pas en avoir. On a eu comme ça une connivence assez vite. Alors, elle m'avait quand même en adoration. Ça n'a pas été fréquent, donc je peux le dire. Et on pouvait passer des heures à discuter. Elle lisait beaucoup. C'était une espèce de titi parisienne, parce que c'était l'époque où je vivais en région parisienne. On parlait de Paris, on parlait de spectacles, on parlait de livres, on parlait... Et puis, le fait que je travaillais en librairie et que ça, je l'alimentais en lecture, on échangeait... Là, on avait une vraie complicité. Et votre mère, comment elle voyait cette relation ? peut-être un peu inquiète quand même. Peut-être un peu, pas jalouse, mais... Parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui avait pas de problème financier, qui était assez large, hein, et qui avait aussi tendance, de temps en temps, à me faire un chèque, tu vois. Et ça, ma mère disait, mais elle va t'habituer à des choses faciles, enfin, toi, il faut pas, tout ça. Et donc, je crois même qu'elle l'avait dit, et elle, la mamie lui avait dit, mais c'est pas vos oignons, quoi. Ça vous regarde pas. Puis après, quand effectivement je me suis retrouvée légataire universelle, bon après, mère l'a dit, bon bah, faut c'est comme ça, faut faire avec, enfin, voilà, quoi. Il y a des figures qui ne sont pas punies pour leur choix de ne pas avoir eu d'enfant, mais généralement, elles ont eu une autre forme de maternité, une maternité par procuration. Lucie Nizar. Donc ça peut être des infirmières, ça peut être aussi des institutrices, ça peut être aussi des religieuses. Est-ce que dans la littérature que vous avez étudiée, littérature de mœurs du 19e siècle, vous avez repéré un traitement particulier qui serait fait à ces personnes une fois la vieillesse arrivée ? Une fois, oui, tout à fait. Une fois la vieillesse arrivée, ces personnes sont souvent moins inquiétantes. Elles ne représentent plus une menace d'être des voleuses de mari. Et on a des portraits de vieilles filles assez bonasses, homasses aussi, hein, masculinisées. Elles n'ont pas une féminité envahissante, tentatrice. Il y a par exemple un personnage que je trouve très émouvant, avec ses ridicules malgré tout, c'est la tante Léonie chez Proust, dans Du côté de chez Swann, qui est parue en 1913. Cette tante Léonie, qui est toujours malade, qui est une vieille veuve, elle vit dans une chambre que le narrateur compare à un gros chausson aux pommes. C'est un refuge qui sent bon, où il aime venir se blottir. Et il y a un traitement... positif, malgré quelques moqueries, puisque cette vieille veuve qui n'a pas eu d'enfant torture quand même sa bonne, elle est assez médisante, elle est assez atrabilaire, et pourtant, elle incarne une forme de refuge, et d'ailleurs, c'est dans sa tasse à elle que le narrateur trempe la petite Madeleine qui va déclencher toute la recherche. Donc sans la tante Léonie, il n'y a pas de recherche de temps perdu, ou du moins, on ne le retrouve pas le temps. En fait, je pense que c'est le mot « famille » qui me gêne. C'est idiot parce que j'appartiens quand même à une famille politique globale. Enfin, Françoise. Voilà, à des pensées, à des familles de pensées. Cette vie collective, ces chantiers collectifs, cette activité militante politique que j'ai eue à certaines époques, mais c'est ça qui m'a permis de vivre en fait. Hein. Pendant 17 ans, j'ai eu une semaine par mois où je ne travaillais pas. Vous vous rendez compte, le luxe. Bon, même si le salaire y était avec, mais c'est un luxe incroyable. Donc j'ai fait on a fait des tas de choses, mais vraiment, on a hébergé des migrants, on a fait des tas de trucs. On a organisé des fêtes franco-palestiniennes ici. C'était vraiment, on a rencontré des tas de gens. C'est merveilleux, quoi. Comme on a beaucoup de place ici, j'aime bien accueillir des gens qui ont un moment d'hésitation dans leur vie ou qui se cherchent. Donc effectivement, là actuellement, il y a Johan qui a monté sa yourte pour quelques années ici. Avant lui, il y a eu un jeune qui a été en échec dans un habitat partagé, collectif. Et donc il était un peu hésitant sur son projet. Donc il est venu habiter avec ses caravanes ici. Maintenant, il est paysan boulanger dans le nord du département. Ici, ça s'appelle Malpasse, en fait. Ça veut dire mauvais passage. Mais en fait, j'ai essayé de le transformer en bon passage pour plein de gens. Notre vie monastique, elle est très très curieuse parce que Frère David, elle recrute moine bénédictin. Tout au long. Même à 80 ans, mon monastère va continuer de recruter. Donc je vais avoir des petits frères qui vont arriver, qui auront 25 ou 30 ans, alors que moi, j'approcherai des 80. Je serai toujours fécond dans cette vie fraternelle. Et ça, il me semble que ça nous tient très jeunes, d'une façon un peu... Ça peut paraître caricatural, mais au monastère, la nécessité d'accueillir le frère de 30 ans, qui va se présenter où ? Bah, à l'hôtellerie, en fait. Il va commencer par venir faire un petit séjour de réflexion, comme ça, parce qu'il passe ses examens, ou il vient réviser le bac, ou je sais pas quoi. Et même les anciens ont leur part dans cet accueil du plus jeune. C'est aussi un des contresignes importants, je crois, de la vie monastique aujourd'hui, c'est l'alliance des générations. C'est qu'on essaye de vivre ensemble jusqu'au bout, le moins possible de passage à l'EHPAD, parce qu'on n'est pas toujours obligé. La plupart des frères vieillissent bien au sein du monastère. Et donc, un jeune qui entre, et il est habitué aussi à avoir un grand-père, deux grands-pères, trois grands-pères qui sont là et qui partagent le quotidien, y compris dans les tâches de service. Parfois, c'est une surprise de dire « Ah, mais ce frère-là, il a 80 ans, puis il est de service cette semaine, c'est lui qui met le tablier blanc et puis qui fait le service à table. » Ben oui, mais puisqu'il peut encore, il n'y a pas de retraite non plus. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ne pas faire une famille, ça vous permettait d'en constituer une autre, un peu plus symbolique, un peu plus... Non, je ne suis pas dans la tribu. Martine. Je n'ai pas de tribu. Je fréquente des gens qui ne sont pas forcément à regrouper, même s'ils ne sont pas antinomiques. Vous considérez... J'ai pas de famille. J'ai des affections, mais pas de famille. Mais disons qu'il y a quelqu'un qui, hier, a évoqué, en parlant de gens que je connais, qui ont la quarantaine, et cette personne à mon âge, a dit à un moment donné, c'est un peu nos filles. J'ai repensé hier au soir en me disant, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ce ne sont pas mes filles. Je les respecte trop pour ça. Ce n'est pas une relation d'amour, d'affection paternelle ou maternelle. Elles m'intéressent. Je les trouve intelligentes, vives. Elles ont une manière d'être qui me plaît. On peut se voir de temps en temps. Quand elles se préoccupent un peu trop de moi, je m'en méfie. Je me dis, attention, il ne faudrait pas que ce soit lié à l'âge. Qu'elles soient en train de me chouchouter, ça m'interroge. Mais je voudrais pas les faire, je voudrais pas en faire un lien de ce genre-là. Ça peut s'arrêter, quoi. Il n'y a pas de lien maternel. Il est hors de question de les mettre dans une position pareille. J'ai pas eu d'enfants, c'est tout. J'aime pas les enfants. Pierre. J'ai pas envie d'être responsable d'enfants. Est-ce qu'on vous a souvent posé des questions à ce sujet dans votre vie ? On vous a pas embêté avec ça ? Non, jamais. Vous avez quel âge ? 76. Vous êtes un vrai pur parisien ? Ah, parigot, moi, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait comme travail ? Ben, j'étais journaliste. J'étais dans la presse automobile. Après, j'ai travaillé à nous deux dans la presse du cœur. Est-ce que autour de vous, les gens avaient des enfants ? Pas beaucoup, non. Ah non, parce qu'on était toujours pris. Toujours pris par le boulot. Voilà l'histoire. J'étais maquettiste. Ça vous passionnait ce travail ? Vous étiez... Ah oui, j'aimais beaucoup mon métier, oui. Et hormis pour le travail, est-ce que le fait de ne pas avoir eu d'enfant, ça vous a permis de faire d'autres choses que vous n'auriez pas pu faire sinon ? Oui, notamment de collectionner les armes, de faire des trucs comme ça, que les gosses n'ont pas besoin de voir. Est-ce que vous considérez que vous avez été heureux ? Oui. Oui. La proche, avec 50 ans, avec la même femme. Est-ce que vous avez eu des liens un peu forts avec des personnes un peu plus jeunes que vous ? Non. Je ne me mélangeais pas avec les autres. J'étais, comment dirais-je, pas solitaire, mais avec ma femme, on est tranquille, quoi. Et puis là, à la fin de ma vie, active, je parle. Je suis pas encore mort. Non, j'ai pas. Les gosses, ça n'a jamais été mon truc. Il y a une manière différente de penser le célibat pour les hommes. D'ailleurs, le mot célibataire au XIXe siècle ne s'applique qu'aux hommes. Et bien sûr, ce ne sont pas les mêmes règles pour les hommes qui, eux, ont le droit à avoir une sexualité avec, par exemple, des prostituées. à condition de ne pas perturber les mariages bourgeois et de ne pas introduire des bâtards dans les familles des autres, bien sûr. Mais le traitement est très différent. Il y a la figure du vieil esthète, du vieux dandy, qui a choisi l'art plutôt que la famille. Il y a un nombre élevé d'écrivains du 19e siècle qui refusent d'avoir des enfants. Il y a Flaubert, les Goncourt, Maupassant, Huysmans. C'est aussi parce que la figure de l'écrivain, la figure de l'artiste, elle est en marge de la société bourgeoise, dont le pilier principal, c'est la sacro-sainte famille. Donc refuser de faire famille, c'est refuser de s'inscrire dans un paradigme bourgeois et c'est se ménager la possibilité de vivre pour l'art, d'avoir cette discipline et cette liberté qui serait empêchée par un intérieur bourgeois trop routinier. Coriolis s'était promis de ne pas se marier. Selon lui, le célibat était le seul état qui laissa à l'artiste sa liberté, ses forces, son cerveau, sa conscience. Et au bout du mariage, il y avait encore la paternité qui, pour lui, nuisait à l'artiste, le détournait de la production spirituelle, l'attachait à une création d'ordre inférieur, l'abaissait à l'orgueil bourgeois d'une propriété charnelle. Enfin, il voyait toutes sortes de servitudes, d'abdications et de ramollissements pour l'artiste, dans cette félicité bonasse du ménage, cet état doux, lénitif, cette atmosphère émolliante où se détend la fibre nerveuse et où s'éteint la fièvre qui fait créer. Les frères Goncourt, Manette Salomon, 1867. Est-ce que vous aviez plus jeune une envie de famille ? Alors j'ai eu vraiment une envie de famille, on peut dire jusqu'à 10-12 ans. À 10 ans, c'était même caricatural, c'était la meilleure amie de ma sœur, une 404 bleue et 5 enfants, quoi. C'était aussi bête que ça, mais ça s'est écroulé sur le coup des 12 ans. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment, non, ce ne sera pas ça ma vie. Je peignais déjà. J'avais découvert la peinture et ça m'attirait beaucoup, mais la vie d'artiste, c'était pas une vie qui du tout rassurante pour un père de famille. Mon propre père était peintre et comme il a eu 3 enfants, eh ben il est devenu dessinateur industriel et agent technique pour nourrir sa famille. Mais j'ai toujours su par lui que pour nourrir la famille, il avait fallu vraiment trouver un boulot très cadré et que la peinture, la vraie, ça se fait en dehors de tout. Donc moi, j'étais plutôt à me dire, bon, je vais être prof parce qu'il n'y a pas trop d'heures de cours et ça me permettra de peindre et puis il y aura les vacances pour faire des expos. Alors ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai été prof, mais j'ai été nommé à Charleville-Mézières et je voulais vivre dans le Midi. Donc j'ai démissionné à la Toussaint. Et après, j'ai fait de la cuisine. Pendant 5 ans, je suis parti avec des cousins. On a monté un hôtel-restaurant. On a repris un hôtel-restaurant dans les gorges du Tarn. Et puis j'ai fait de la cuisine en saisonnier. Comme ça, il y avait 6 mois pour la cuisine et 6 mois pour la peinture. Alors ça a duré quelques années. Au bout de 4-5 ans, justement, j'ai fait de la peinture à plein temps. Pendant 4 ans. Alors, c'était un peu la galère, mais c'était rigolo. Derrière vous, là, c'est un tableau que avant que je rentre, c'était des années 80. La plupart des tableaux, ils sont chez les gens, ils ont été vendus à l'époque où j'en vivais. Mais il m'en restait quand même pas mal quand je suis rentré au monastère, donc il y en a certains qui sont venus sur un bout de mur. Alors quant à penser qu'il faut absolument garder quelque chose de l'éphémère de la vie, on serait plutôt du genre, nous, comme les Indiens, à effacer nos traces après notre passage. Christian et Nicole. Et penser qu'en fait, c'est prétentieux de vouloir, de vouloir laisser une trace. Et en fait, non, on n'est pas pour les monuments. Donc s'il reste des débris, peut-être que les débris parleront, mais on essaye que au maximum que ce qu'on a fait, parce qu'on s'est beaucoup investi, donc on n'a pas trop envie que ça aille à la poubelle, hein. Mais ce sera pas, on va pas en faire une maladie. Hein. Si c'est le destin de nos pièces d'être cassées ou partir au rebut, parce que elles sont retombées dans les mains de gens qui n'ont pas été sensibles, tout est possible. Hein. Quand la mémoire fout le camp, quand tout se dissout comme ça dans le néant, on dit ben nous aussi on va être oubliés de toute façon. Oui, un jour on va être oublié. De toute façon, un jour on va être oublié. Et ça vous importe de savoir que vos tableaux vont rester ? Et oui, moi je crois que je suis devenu peintre. Peintre, pour moi, c'était rester. Frère David. À 12 ans, je faisais déjà des grands machins sur des grands bouts. Mon père me trouvait des bouts de contreplaqué que j'enduisais de blanc, et puis après j'y allais à la gouache et tout. Et j'ai eu une expérience très forte, c'était quand j'ai fait de l'hôtellerie, je vous disais, et l'hôtel où je travaillais a brûlé une nuit de fond en comble, en brûlant tous mes tableaux de l'époque, parce qu'on les avait mis pour décorer, comme ça, et donc tout a brûlé. Ah, j'avais 24 ans, et brusquement, je n'avais plus, j'avais l'impression d'être à nu. Et je me suis remis à peindre, très fort. Parce qu'il fallait laisser une trace, sinon... Non, c'est très fort chez moi, laisser la trace. C'est curieux, hein ? Je devrais laisser des enfants, ben non. Pas. Je laisse des peintures. On laisse trop d'empreintes sur cette terre. On laisse trop de choses, trop de... Donc non, c'est moi, je suis très contente de laisser personne derrière moi. Et ici, même si je suis chez moi, avec tout, bon, voilà, tout ce beau, cet espace, ces 5 hectares, tout ça, mais j'ai personne à qui le laisser. Je vais le filer à Terre de Liens. Je vais le donner à des gens qui pourront en faire quelque chose. Et c'est très bien. Et... J'ai hérité de quelque chose, mais je me sens pas franchement légitime dans cet héritage. Moi, j'ai jamais travaillé ce sol. Moi, c'est mon grand-père paternel qui a construit, c'était une petite maison, une petite ferme, un polyculture élevage. Bon, finalement, mon père a eu ça, ça a été lourd pour lui. Ben, moi, j'ai ça, j'ai pu le faire vivre autrement. J'essaye de faire profiter plein de gens de ce lieu. Mais pour moi, c'est, je ne me sens pas légitime dans cette propriété. D'ailleurs, je trouve que la propriété, ça ne devrait pas exister, d'ailleurs. Tout simplement. Donc, la propriété, c'est la guerre pour moi. Donc, voilà, on devrait être des usagers. D'ailleurs, il y a un projet sur Gaillac là, de construction, un habitat partagé, où je me suis inscrite d'ailleurs, parce que bon, à l'âge que j'ai, je pense quand même, moi je pourrais peut-être pas tenir sur un lieu comme ça, qu'il faut entretenir, peu ou prou, mais quand même. Et donc cette idée d'habitat partagé, où on n'est ni locataire, ni propriétaire, on est usager. Et moi ça, je trouve ça, mais c'est une idée qui m'enthousiasme. Plus je vieillis et plus je me dis que la vie, ça devrait être ça en fait. Est-ce que vous avez peur, vous, que des gens doivent vous prendre en charge ? Ah oui, il n'en est pas question. Comment vous allez faire alors ? Entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait, il y a un monde. Moi, j'ai pas du tout envie d'être de la matière première à des emplois moches. Donc on réfléchit à d'autres solutions pour arrêter, à un moment donné, des choses qui sont pas... Il faut savoir arrêter la vie quand l'existence ne procure plus de plaisir. Maintenant, cette réflexion, beaucoup de gens l'ont. Il reste à savoir si on est en mesure, à un moment donné, de la mettre en œuvre. Je rencontre des gens qui viennent d'avoir un accident, qui sont très diminués, et je les vois développer une énergie extraordinaire à rester vivants. Mais les angoisses, bien sûr, vis-à-vis de la vieillesse, elles restent, je pense, à peu près les mêmes pour tout le monde. Hein. On voudrait surtout ne pas finir assisté, finir peut-être d'un coup, ce serait encore mieux. Mais avec l'ombre de la vieillesse qui se profile, et là, il y a évidemment des angoisses. Sophie et Randolph. C'est ce qu'elle disait, hein, quand elle commence à avoir des problèmes de santé, alors là, moi, c'est terrible. Là, je réagis un peu comme un père avec sa fille, parce que finalement, je veux l'accompagner partout. Moi, en tout cas, je veux pas survivre arrondi. Si l'un est vraiment, vraiment très mal, on pensait au suicide. Hein. À deux. s'il y en a un des deux qui meurt avant, que l'autre ne reste pas en rade là, pendant des années. L'idéal pour nous, ce serait ça, de finir ensemble. Hein. Est-ce que justement vous pensez que avoir des enfants rend la vieillesse et l'approche de la fin de sa vie plus facile ou plus difficile? Ah, voilà, on peut se dire que bon, c'est une assurance vie, là. On dit, on a des petits, donc ils vont s'occuper de nous quand on sera vieux, quand on sera mal foutu, impotent, ils nous donneront notre mémoire, ils nous offriront tout ce qu'on a plus, voilà. Pas forcément, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des familles où ça se passe même pas comme ça. Dans la mesure où aussi, dans notre société, la famille est explosée et qu'on ne vit plus avec les parents ou les arrière-grands-parents sous le même toit. Donc c'est très difficile de s'entraider. Hein. La plupart du temps, les vieux, ils vont aller dans un EHPAD et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, moi j'ai vécu ça avec ma mère en particulier. J'avais pas envie d'aller là et finalement c'est là où finalement j'ai accompagné ma mère. Donc non. Non, c'est. Donc là, on ne sert pas à grand-chose. Hein. Il y a une idée qui m'a traversée. Vous savez, je me suis occupée de ma mère pendant 7 ans, de 95 à 102. Martine. Parce qu'elle avait une baisse d'autonomie. Donc je l'ai vécu. Et je connaissais des gens qui étaient avec des enfants jeunes, qui étaient en train de les élever. Et on comparait. Eux, ils étaient dans un futur. Ils étaient en train de voir ce qui allait progresser. Et moi, j'étais dans un accompagnement de quelque chose qui se diminuait. Mais en même temps, on était envahis de la même manière par une attention. On est porté par cette attention. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai compris qu'on était sur des espèces de rails, comme ça, affectifs, et que quand t'es parent, eh ben, t'es là-dedans, t'es dans une espèce de devoir, d'obligation, et en même temps, c'est même plus le mot de devoir qui se pose. Il n'y a pas d'obligation non plus. On est dedans. On est dans cette espèce de contrat interne qu'on a passé avec soi-même sans le savoir. Et il y a plein de questions qui sont évacuées. Terminées. Alors, est-ce que je regrette de ne pas avoir vécu ça avec des enfants? Non. Mais je comprends, ou je m'imagine que je comprends, dans quoi sont les gens à vie quand ils ont eu des enfants. Tout ça, c'est ce que je peux imaginer, puisque comme je n'ai pas d'enfant, il y a vraiment des paramètres qui m'échappent. Mais je pense que oui, effectivement, Olivia, avoir des enfants, c'est s'inscrire dans quelque chose de peut-être de plus grand. Je pense que c'est un moyen aussi d'exister. C'est difficile d'être soi-même dans la société dans laquelle on est quand on fait des choix de vie qui sont différents. Moi, c'est ma manière à moi de m'inscrire et c'est surtout, je me dis, j'espère que mon passage sur cette planète, certes, je n'y laisse pas un enfant en partant, mais j'y laisse ma patte à moi, ma trace à moi, mon impact le plus léger possible, je le souhaite, sur cette planète. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ma manière à moi d'être au monde, c'est de faire ce choix-là, de l'assumer, de le vivre pleinement. Peut-être que si j'avais eu des enfants, j'aurais pas eu, je pense, la vie que j'ai eue jusqu'à présent. Et moi, c'est ce qui m'a nourrie d'aller vivre dans plein de pays différents, de rencontrer plein de gens différents, plein de cultures, d'apprendre à parler d'autres langues, de faire des métiers auxquels j'ai pas été formée initialement. Elle est là, mon existence, quoi. J'en ai pas fait quelque chose d'extraordinaire de ma vie. Je pense que c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de grande différence entre la manière dont j'ai vécu et la manière dont ont vécu des gens qui avaient des enfants. Et bien probablement que si j'avais réfléchi un peu plus, si j'avais construit un peu plus, peut-être que j'aurais utilisé ce temps-là autrement qu'à éviter les contraintes. Je suis restée dans l'instinctif. Mais est-ce que ça c'est... Pourquoi vous n'auriez pas le droit aussi à la banalité et à un train de vie tranquille, comme si on attendait que, puisque vous vous êtes extraite de cette espèce de chemin normal, il faudrait forcément que vous le justifiez par une existence extraordinaire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie, parce que c'est exactement ce que je pense. On n'a pas tous les mêmes talents. On n'est aucun... Et mon talent à moi, c'était peut-être de savoir apprécier et de m'en contenter, d'apprécier l'instant, la beauté du monde et la camaraderie et de ne pas chercher à aller au-delà. Mais même s'il n'y avait pas tout ça, même si je n'avais rien écrit et que je n'avais pas fait de peinture parce que j'étais peintre avant de rentrer, donc la peinture, ça a toujours été dans ma tête la façon de se survivre à soi-même, je crois que j'espère humainement laisser quelque chose de l'ordre de l'esprit. La trace de l'esprit, c'est celle des rencontres, par exemple, de la parole qui se noue dans une rencontre qui fait qu'on vit pour quelqu'un d'autre, dans l'esprit de quelqu'un d'autre, avec une amitié, avec un respect, avec un regard positif, une bienveillance. Et je crois à la puissance extraordinaire de cette trace spirituelle. Vieillir sans enfants, faire famille autrement. Avec Lucie Nizar, Catherine, Frère David, Christian, Françoise, Martine, Nicole, Olivia, Pierre, Randolph, Sophie et la voix de Sophie Kahl. Merci à Hélène Bertin, Denis Garnier, Claire Cachecouche, Laurence Préjean, Mathilde Rossigne-Meust et Mathias Théry. Lecture, Daniel Königsberg et Mélodie Auru. Attachée de production, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Prise de son, Éric Audra, Bruno Mourlan et Romain Lenoir. Mixage, Éric Boisset. Non merci, pas d'enfants, une série de Manon Préjean, réalisée par Anne Fleury.